Bonjour amis Béliers, bienvenue dans votre tirage du mois de septembre. Alors pour la rentrée qui est souvent chargée pour beaucoup d'entre nous, eh bien on a décidé de revenir au tirage généraux. Donc on va regarder de quel domaine veut vous parler l'oracle de Béline, quel est son message ou son conseil pour cette rentrée de septembre, pour le mois de septembre en entier. Pour les Béliers, on y va. Alors, ça nous parle d'inconstance peut-être au niveau d'un contrat, d'hésitation. On ne sait pas bien où l'on va par rapport à un contrat. Je vais tirer 5 cartes au hasard et mettre les autres de côté. Ça peut être également de l'inconstance par rapport à une union, une association, mais aussi une union amoureuse. Ça, pour cela, eh bien, il faut que je regarde le reste du jeu. Alors, je mets les cartes de côté, je retourne et découvre en même temps que vous ces 5 cartes donc, qui représentent votre rentrée de septembre 2023. Ah oui, en effet. Alors là, j'ai besoin d'en retirer une autre et encore une autre. Alors apparemment, avec ces deux cartes au départ, alors dans le passé proche, vous avez pu peut-être, avant les vacances, vous avez pu vous sentir un petit peu pieds et poings liés. Là, j'ai l'impression que c'est professionnel, hein, le tirage. Vous avez pu vous sentir pieds et poings liés au travail ou à une fonction, ou alors ne pas être assez payé, etc. Et vous recherchez par rapport à cela à apaiser les choses dans votre esprit. Alors vous avez de l'ambition hein, pour ce mois de septembre, vous êtes vraiment décidé à assouvir vos ambitions, à évoluer dans votre carrière, mais vous ne savez pas toujours comment faire et tout ne dépend pas de vous évidemment. Alors ce que vous indique l'oracle de Béline, c'est qu'ici il y a un nouveau départ pour vous, normalement qui est possible pour ce mois de septembre, un nouveau peut-être un nouveau contrat, une sécurité financière qui est en train de vous arriver. Alors peut-être qu'au travail vous avez un nouveau poste possible, en tout cas qui s'annonce en septembre, et ou alors vous allez trouver un nouveau travail. En tout cas, c'est un bon tirage pour vous, il est professionnel. Redoublez votre volonté est forte et donc redoublez d'efforts. Et ne doutez pas trop parce que vous pouvez vraiment réussir cette rentrée et mettre les choses en place pour la suite. Alors en tout cas, je vous souhaite un bon mois de septembre.